Salut. Coucou. Je voulais déjà te dire merci d'avoir pris ton temps pour répondre à mes questions. Bah, de rien. On va peut-être déjà commencer par une petite présentation. Oui, donc moi je m'appelle Laura Muller, j'ai 26 ans et j'habite à Saint-Louis. Donc en fait c'est une ville juste à côté de la frontière suisse et depuis la fin de mes études, ben, je travaille en Suisse. Ah ok, tu travailles où exactement en Suisse? Ben je travaille en accueil où je m'occupe des clients et du téléphone et de tout ce qui va avec. D'accord, et du coup j'ai une autre petite question. C'est quoi ta langue maternelle? Ben en fait moi ma langue maternelle de base c'est le français. Mais vu étant donné que mon père il est de nationalité suisse et ma mère de nationalité française, donc en fait j'ai appris étant déjà toute petite l'allemand et le français en même temps, si on peut dire ça comme ça. Parce que mes parents ils trouvaient ça assez utile pour plus tard de savoir parler les deux langues et je trouve aussi que c'est très utile. Ah ok, c'est vraiment super intéressant. Mais avant tu as dit que tu habitais en France, donc tu as également fait tes études en France je suppose? Oui, donc en fait d'abord j'ai fait mon BEP secrétariat et après j'ai fait mon BAC secrétariat. Ok, et pourquoi tu as fait le choix d'aller travailler en Suisse et pas en France, si déjà tu y habites? Bah déjà l'avantage c'est que le pays il est juste à côté et sachant que je suis bilingue, je me dis pourquoi pas tenter ma chance et la Suisse paye quand même mieux que la France. Ah d'accord, et puis t'avais des facilités pour rentrer en Suisse directement après tes études ou plutôt des difficultés? Bah si c'est en France ou comme en Suisse, hein, c'est assez difficile au début parce que les entreprises cherchent toujours des gens qui ont déjà des expériences professionnelles, ce que je n'avais pas, mais après plusieurs recherches, j'ai trouvé une entreprise qui m'a laissé ma chance quand même. Ouais, c'est vrai que c'est souvent comme ça. Et au niveau de la langue, t'avais pas trop de difficultés vu que tu parles maintenant plus le... Enfin, vu que tu étais allée au lycée en France et que du coup ensuite tu devais plus parler l'allemand. Bah au début c'était quand même assez bizarre, mais bon, faut dire qu'à la maison avec mon père et ma mère, je parle de toute façon plus l'allemand que le français, donc je me suis vite habituée. D'accord, et puis ça va, ça te plaît pour le moment? Ah ouais, franchement, j'ai rien à dire, c'est top. Ah bah cool alors, c'est vrai que ça vaut quand même beaucoup de travailler dans quelque chose où on s'y plaît. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu à mes questions, c'est vraiment gentil. Pas de problème. Et je te souhaite encore une bonne fin de journée. Merci à toi aussi.